Un homme devient fort quand ses rêves deviennent flous, quand on n'a plus aucun but et qu'on est loin de marquer un but. La vie c'est comme une partie de foot, si la balle ne plaît jamais à notre avantage, c'est une partie quand on n'a rien à foutre. Va-t-on laisser la place à l'avantage vers ces jeunes qui ont plus de courage, qui sont le moins sauvages, à qui on peut laisser l'avantage, car c'est juste une question d'âge. Va-t-on se pourrir la vie dans tout en pensant qu'on peut prendre une vie telle que jeune, pleine de vie, qui a tort, qui a raison? Quelle est la question dans cette putain de vie?